spécial. Car trop d'hommes y ont goûté. Ton corps n'a plus rien de spécial. Bien trop d'hommes y ont goûté. Même si tu dis please. Même si tu dis please. Même si tu dis please. Oh, ah. Même si tu dis please. Même si tu dis please. Même si tu dis please. Oh, ah. On my witness, please me if you want that dick. 17 drops on my witness. Je sais que déchiré t'en veux mille, mille. Et je suis le millième. À combien de nous tu l'as dit? Sans même aucune gêne. Dernier booty, mais dirty mind. Ils sont soumis, et toi tu l'as. Baby, baby, baby, choisis ton tige et prends ton time. Fanatique de genre de life. L'homme est mauvais. Tu m'as prouvé qu'en face de la femme il est rien. L'homme est mauvais. Mais je ne ferai pas partie de ta liste. Ton corps n'a plus rien de spécial. Spécial, spécial. Bien trop d'hommes m'y ont goûté. Ton corps n'a plus rien de spécial. Spécial. Bien trop d'hommes m'y ont goûté. Même si tu dis please. Même si tu dis please. Même si tu dis please. Même si tu dis please, même si tu dis please, même si tu dis please. Please me if you want it. 17 drops on my witness. Please me if you want that. 17 drops on my witness. J'étais le seul unique la veille. Tu parlais même de m'élever au rang de prince. T'avais promis, juré le ciel. Suffit qu'un autre se pointe pour que d'un seul coup ça coince. Donc permets-moi de douter un peu. Ça devient maladif, ça devient maladif. Sur plus de mensonges, tu fais plus la diff. Tu les voulais, tu les as eu. T'as menti de minuit à l'aube. Et maintenant tu prends du recul sur nous, mais jamais. Ton corps n'a plus rien de spécial. Bien trop d'hommes y ont goûté. Ton corps n'a plus rien de spécial. Bien trop d'hommes y ont goûté. Même si tu dis please. Même si tu dis please. Même si tu dis please. Même si tu dis please. Même si tu dis please. Même si tu dis please. Please me if you want it. 17 drops on my witness. Please me if you want it.